just let it go. Don't be afraid to lose control. No. Yes, I know it's on your mind when you say, stay with me tonight. Stay with me. And remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be love because I have the time of my life. Never felt this way before. I swear it's so true. Écoutez Réunion Première, il est 10h, dans une poignée de secondes, le journal de France Info, les experts de l'alimentation avec Claude Montané. Tout de suite après, belle journée. Bon réveil sur France Info, il est 8h. C'est le journal de Nicolas Taillard. Bonjour Nicolas. Bonjour. L'Italie pleure et compte ses victimes un peu plus de 24 heures après le séisme qui a secoué le centre du pays. Le bilan s'élève désormais à 247 morts. Nous irons dans un instant dans l'un des villages les plus touchés, celui d'Amatrice. Nous reviendrons aussi sur cette baisse du chômage au mois de juillet. 19 000 chômeurs de moins en catégorie A. Résultat scruté de près à l'Élysée, vous l'entendrez. Un accord pour en finir avec 50 ans de guerre et d'affrontement. La Colombie n'a jamais été si près de retrouver la paix. Et puis la mort de Michel Butor, écrivain à part, disparu hier soir. France Info. La direction tout de suite, l'Italie, Nicolas, où le bilan s'est encore alourdi cette nuit. Le dernier bilan du séisme qui a frappé la région de l'Ombrie atteint désormais 247 morts, presque 100 de plus qu'hier soir. En fouillant les décombres et les maisons détruites, les équipes de secours ne cessent de découvrir de nouvelles victimes, peu ou pas de rescapés sous les gravats. Paysage de désolation particulièrement impressionnant dans le petit village d'Amatrice. C'est là-bas qu'Antonio Gallofaro a passé la nuit avec des sauveteurs et des volontaires. Amatrice se réveille à nouveau dans les décombres. La rue principale de ce village de quelques 3000 habitants est toujours ensevelie sous les débris des façades qui se sont écroulées au moment du séisme. Les secours s'activent encore pour retrouver des victimes. À Amatrice seulement, les pompiers dénombraient hier soir 40 victimes. Inspecteur Gentile et des pompiers, ces hommes ont travaillé toute la nuit. On ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on retrouve tout le monde. On peut trouver des personnes dans les sous-sols, des autres au milieu, selon où ils se trouvaient au moment des secousses. Où on peut, on utilise des moyens mécaniques. Sinon, on fait tout à la main. De nombreux habitants de la région se sont rendus à Amatrice dans l'espoir de pouvoir aider. Marco vient de L'Aquila, à une cinquantaine de kilomètres du village. Il habite dans le chef-lieu des Abruzzes, meurtri par un séisme qui avait fait plus de 300 morts en 2009. Le souvenir et la peur sont encore vifs. J'ai entendu une secousse qui a duré environ 15 secondes. Je me suis tout de suite levé avec ma mère Même à L'Aquila, beaucoup de personnes sont sorties dormir dehors. Les survivants, quant à eux, ont pu dormir dans des tentes installées dans l'un des parcs du village. À Matrice, Anthony Nogalo, France Info. Et nous reviendrons dans quelques minutes, Alexis, évidemment, avec nos envoyés spéciaux du côté de l'Italie. En France, le chômage en légère baisse au mois de juillet. Moins 0,5% pour la catégorie A, qui concerne les chômeurs qui ne travaillent pas du tout. Ça fait environ 19 000 inscrits de moins. Et après deux mois consécutifs de hausse, c'est un soulagement pour François Hollande. Si les autres catégories sont-elles en augmentation, ce léger mieux permet à l'Élysée de maintenir l'espoir d'une courbe inversée. Louise Baudet. Ni inversion, ni courbe, ces mots-là ont disparu du vocabulaire présidentiel. Mais au fond, l'essentiel, c'est que le chômage baisse. Et ça, François Hollande le répète sur tous les tons. Le chômage a commencé à baisser depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, le chômage baisse. La tendance, c'est la baisse du chômage. Et depuis le début de l'année, elle s'est même amplifiée. Alors cette fois, pense-t-il avoir du bol, le président ? Impossible de lui poser la question. Un petit discours et puis s'en va, tout comme la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Je ne peux pas avant 18. Trop tôt pour commenter les bons chiffres du mois de juillet, qui tombent officiellement quelques minutes plus tard. Ça tombe bien, car il s'agit de la jouer modeste. Ne pas retomber dans le piège de l'inversion de la courbe, ne pas faire de ce sujet l'alpha et l'oméga de la future campagne. On a toujours dit que c'était une condition nécessaire, mais pas suffisante, plaide un conseiller. On coche la case, oui, mais pas de cocorico. La tendance doit se confirmer. C'est long comme processus. Trop long pour celles et ceux qui attendent un emploi. D'où ce déplacement au timing très calibré. Louise Baudet, les demandeurs d'emploi dont les allocations doivent être soumises à condition pour Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, plaide pour la suppression des indemnités à tous ceux qui refuseraient deux propositions d'emploi. Il l'a dit hier soir aux 20h de TF1. Avant d'évoquer la question du burkini et des arrêtés d'interdiction pris par plusieurs maires cet été. L'affaire des burkini, chacun voit bien que c'est une provocation. Une provocation au service d'un projet d'islam politique, d'islam radicalisé. La meilleure façon d'apaiser les tensions, c'est que soit proscrit tout signe extérieur d'appartenance à une religion. Je pense qu'à l'université, si nous laissons des jeunes filles voilées dans 10 ans, celles de confession musulmane qui ne veulent pas porter le voile seront obligées de porter le voile. Si nous laissons le burkini se généraliser, des jeunes filles qui veulent être en bikini ou en maillot de bain, elles ont le droit, seront par la pression de leur communauté obligées de prendre une tenue vestimentaire qui ne correspond en rien, non seulement au mode de vie français, mais à un principe essentiel chez nous, l'égalité stricte de la femme et de l'homme. L'interdiction du burkini sur les plages examinée ce jeudi par le Conseil d'État. 3 juges doivent se prononcer à partir du cas de Villeneuve-Loubet. France Info 8h06, l'accord est historique, il a été signé cette nuit en Colombie. Le gouvernement et les rebelles des FARC ont trouvé un accord de paix. Il doit mettre un terme à plus de 50 ans de guerre civile et un référendum sera organisé début octobre pour le valider. Marie-Ève de Teuf. La plus vieille guérilla d'Amérique latine va disparaître. L'accord, annoncé mercredi soir à La Havane, prévoit que les FARC vont se transformer en partis politiques. Plus de 8000 combattants vont remettre leurs armes à l'ONU dans les mois qui viennent. L'accord prévoit aussi une série de mesures pour construire un pays plus juste et lutter contre la pauvreté des campagnes. Le conflit colombien est un conflit rural. L'accord de paix doit encore être signé à Bogota par le chef de l'État, Juan Manuel Santos, et le chef des FARC. Et surtout, il doit être approuvé par les électeurs, appelés à se prononcer dans les urnes le 2 octobre prochain. La victoire du oui n'est pas acquise. Les électeurs, eux, vivent majoritairement dans les villes. Et l'opposition de droite reproche au gouvernement d'avoir trop cédé à la guérilla. Bogota, Marie-Ève de Teuf pour France Info. Son sort semble scellé, mais Dilma Rousseff va tout de même tenter de se défendre. Son procès en destitution s'ouvre aujourd'hui. L'ancienne présidente du Brésil écartée du pouvoir il y a 3 mois. Des armes chimiques utilisées en Syrie, l'ONU en a désormais la preuve. Le résultat d'une enquête de terrain de plus d'un an. Elle conclut à l'utilisation de gaz moutarde et de chlore sur au moins 3 sites où des combats ont eu lieu. 2 des attaques sont attribuées au régime de Bachar al-Assad, la 3e aux combattants de l'État islamique. En France, France. Toujours une trentaine de départements en alerte canicule ce matin. Principalement dans les terres où la chaleur étouffante de la journée a bien du mal à se dissiper la nuit venue. Les ventilateurs et les bouteilles d'eau restent indispensables pour beaucoup. C'est même conseillé pour les plus fragiles et les personnes âgées. Atmosphère qui favorise l'accumulation de particules dans l'air à Paris. Un pic de pollution est annoncé aujourd'hui. En a-t-elle une atmosphère? Ça en ferait une sorte de petite planète Terre. Les scientifiques ont annoncé hier la découverte d'une exoplanète assez similaire à la nôtre, Proxima B, c'est son petit nom, et située à un peu plus de 4 années-lumière. Elle réunit en tout cas un certain nombre de conditions qui la rendent potentiellement habitable. Lui était à part dans l'univers littéraire. L'écrivain Michel Butor est mort, il avait 89 ans et restera comme la figure du nouveau roman. Il avait obtenu le prix Renaudot en 57 pour son roman La Modification. Michel Butor, Anne Lamotte, auteur prolifique et créatif. C'était en 1962. Michel Butor publie Mobile, un livre collage sur les États-Unis. Une liste de mots, de textes, de cartes, de coupures de journaux ou de publicités. On a du mal à suivre, tant mieux. À l'époque, il affirme « Je veux que le lecteur s'y perde avant de s'y retrouver ». Michel Butor est un voyageur donc, des États-Unis au Japon, en passant par l'Australie ou l'Égypte où il a vécu. Un observateur, curieux de tout et qui expérimente. En 78, par exemple, Boomerang est en 3 couleurs, encre bleue, rouge et noire. La couleur qui ne cesse de l'accompagner d'ailleurs. Quasiment toute sa vie, il collabore avec des peintres pour publier une multitude de livres-objets. Son œil critique s'attarde aussi sur les toiles de Mondrian, de Rembrandt ou de Delacroix, entre autres. Le professeur de littérature et de philosophie s'attaque également à Proust, Zola, Rabelais ou Victor Hugo, encore récemment. Et il trouve encore le temps de traduire du Shakespeare. Bref, une avidité qui l'emmène bien loin des frontières du nouveau roman. Et il s'en réjouit en 94 sur le plateau de l'émission Bouillon de Culture. Je suis très heureux d'appartenir à ce chapitre des manuels d'histoire de la littérature française qu'on appelle le nouveau roman. Oui. C'est un grand honneur. Et je suis très heureux aussi d'être ailleurs. Loin du nouveau roman et loin du bruit, Michel Butor et son éternelle barbe blanche vivaient à Lucinge, en Haute-Savoie, dans une maison baptisée « À l'écart ». Un portrait signé Anne Lamotte. Le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions en football, c'est à 18h ce soir pour le Paris Saint-Germain, Lyon et Monaco. Pour les amateurs qui attendent de connaître les grandes affiches qui occuperont leur soirée de l'automne en Ligue Europa, une dernière étape à franchir pour Saint-Etienne qui accueille le Beitar Jérusalem en barrage retour. Les Verts s'étaient imposés 2-1 à l'aller, coup d'envoi 20h45. Et puis un mois et demi après les larmes du Stade de France et la défaite en finale de l'Euro, c'est bientôt le retour des Bleus. L'équipe de France, dont Didier Deschamps, dévoile en début d'après-midi la liste des joueurs retenus pour affronter l'Italie en amical jeudi prochain et surtout la Biélorussie le 6 septembre, début de la campagne de qualification pour le Mondial 2018. C'est très complet, merci Nicolas Taillard. Le tout à suivre bien sûr sur France Info, il est 8h. Merci d'écouter Réunion Première, il est 10h10. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. D'ici la mi-journée, les nuages seront dans l'intérieur de l'île, un ciel qui apparaîtra bien chargé sur les hauteurs. Il y aura de la pluie, il semblerait, dans ces régions. La côte nord entre La Possession et Saint-Denis sera elle aussi sous les nuages. Et pour trouver le soleil, ce sera plutôt du côté du littoral. Alors les températures affichées aujourd'hui, 15 au volcan, 21 degrés à Sillaos, 26 sur le littoral et 25 degrés sur Saint-Denis. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Hier à Vincennes, dans la première course pour le prix de Beaune, il fallait trouver le 8, le 14, le 3, le 5 et le 13. 8, 14, 3, 5 et le 13. Pour ce jeudi, sur l'hippodrome de Clairefontaine, dans la troisième pour le prix de Tourgeville et pour un montant de 4 150 000 euros, les pronostics de Pascal Maillot, le 13, le 3, le 8, le 12, le 15, le 4, l'As et le 2, en non partant, le 7, 13, 3, 8, 12, 15, 4, As, 2, non partant le 7 et puis le 11 en cas de non partant le 7 et le 11 et en cas de non partant c'est le 5. Allez, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Le bien-être est au cœur de votre émission de service Les Experts. Et pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur l'alimentation, sur l'activité physique ou sur la gestion du stress, des experts. À mes côtés dans un instant, le nutritionniste Frédéric Fenteux, le coach Nicolas Sioulon et le thérapeute Samuel Koupoussami. Le but de ce rendez-vous est d'échanger avec vous en direct au standard de la première, au 02 62 99 2000. Vous apportez surtout les bonnes réponses à vos questions, vous écoutez, vous conseillez. Qu'est-ce qu'une alimentation saine et équilibrée? Quelle activité physique pour vous? Comment vous gérez votre stress? Est-ce que vous avez du mal à vous en débarrasser? Et oui, ce stress qui est la cause de bien des maux. 02 62 99 2000 pour toutes les questions en direct avec Mathias qui vous accueille au standard de la première. C'est Bruno Lorion qui réalise l'émission Les Experts jusqu'à 12h. Et puis par SMS pour toutes les questions, 06 92 70 2000. Voici David Myrteau sur la première. Soleil, il paraît il est en colère. Il a causé avec madame la mère. La pile n'y caresse son cœur. Soleil, il paraît il est en colère. Il a causé avec madame la mère. La pluie n'y caresse son cœur. Il ressemble l'orage apprête son rouleur. La brume la met sans l'embâter. Mariage sous la lumière s'éclaire. Il entend dire le vent s'affale sans bouquet flair. Dans sa vanne un petit parfum l'odeur. Zantil au diable il proclame son bonheur. Zantil au diable il proclame son bonheur. L'ancien de Batker, David Myrteau, Mariage le Diable sur la première. Première. Côté réunionnais, réunionnaise, Talanela, encore une fois, l'Office du tourisme de Rodrigue lui donne à votre rendez-vous le 25 août, Pont de Mer Saint-Pierre, de 10h à 20h, le 26 août, 10h à 20h, au marché de Saint-Paul, et le 27 de 13h à 16h, la salle de fête du 12e kilomètre, le Tampon. Viens nombreux, découvrez notre culture et notre cuisine locale, animation assurée par Ban Rodrigue, y compris au Bergad. Nous accueillons nos experts, ils ont le sourire dans ce studio de la première. Nous allons saluer Frieder Orfenteux, le nutritionniste, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Samuel Koupoussami qui est thérapeute, bonjour. Bonjour tout le monde. Et puis Nicolas Sioulon qui est coach sportif, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour parler de l'alimentation, de l'activité physique, mais aussi de la gestion du stress. Et j'aimerais vous faire part d'un message qui nous est arrivé hier sur le réseau social Facebook, sur la page des experts. Cécilie Ernest de Dijon, donc en métropole. Alors écoutez bien, messieurs les experts, je suis dans la sixième semaine de mon régime. Protéiné, sans un gramme de sucre, mais avec de l'huile de coco, de la grenade, des graines de lin, de tournesol, bien sûr des légumes, des œufs, du poulet, du poisson, de la viande rouge. Le plus dur, c'est de faire 6 repas par jour avec des encas. Donc, et cette semaine, par exemple, vers 22h. Je mange un bol de haricots noirs, de haricots rouges, de pois chiches, des oignons, une cuillère de vinaigre balsamique, une heure de musculation par jour pendant 5 jours par semaine et je suis lessivé après chaque séance. Le coach, donc son coach, est aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il fait, Ernest de Dijon? Il envoie des photos tous les vendredis, 3 photos, pour voir s'il y a du progrès ou pas. Frieder Orfenteux, vous en pensez quoi? Ben, je pense que c'est un peu... C'est un peu quoi? C'est un peu inquiétant parce que... C'est un peu inquiétant? Oui, parce que s'il dit qu'il est lessivé après... Ça vous interpelle, ça veut dire que l'alimentation n'est pas adaptée. Parce qu'on ne peut pas dire que qu'on ait une fatigue parce qu'on s'est dépensé physiquement, on peut l'entendre, mais qu'on soit lessivé, ça veut dire que bon, l'alimentation est peut-être trop restreinte par rapport à l'effort qui est demandé au corps. Et ça se traduit donc effectivement par un sentiment de lessivage. Mais autrement, sur le plan alimentaire, vous savez, dès l'instant qu'on trouve son organisation, hein, celle qui vous convient au mieux, autant en termes de répartition, puisqu'il prend 6 repas par jour, en termes de choix alimentaires qu'il a donc limité volontairement aux fruits, légumes et aux viandes, en fait, avec des féculents du poisson, le soir, des œufs aussi. C'est ce que j'ai noté. Et ben, pour nous, lorsqu'on est dans un régime, en fait, ce qui est important, c'est la durabilité. Parce que l'idée, c'est d'apporter un changement durable pour que le poids perdu ne revienne pas. Et si, effectivement, on vit mal son régime, parce qu'après l'activité physique, on est lessivé, le risque, en fait, c'est que l'on retombe dans les excès et que, finalement, tous les efforts qu'on a pu accomplir, en fait, ça ne sert à rien. Donc, l'idéal, en fait, c'est de se lancer dans une pratique qui est durable et, par conséquent, que l'on vit très bien. Profitez de la présence de nos experts pour parler de votre alimentation, l'alimentation saine et équilibrée, de l'activité physique, mais aussi de la gestion du stress avec nos experts au 02 62 99 2000. Nicolas Sioulon, vous êtes coach sportif. Alors, son témoignage, alors ça, votre commentaire, ça vous inspire un peu ou pas pour, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ce genre de régime un peu, je trouve un peu poussé quand même, non? Pas particulièrement. Non. Le tout, c'est comme on disait tout à l'heure, de ne pas tomber dans les dogmes. L'alimentation convient à chacun. Par rapport à l'activité physique, bon, une heure de muscu par jour me semble raisonnable. Après, il faut voir quel type de programme il suit et surtout quel type d'objectif il recherche. Voilà. Dans le cadre d'une perte de poids, le renforcement musculaire me semble être un bon choix, mesure où ça va booster le métabolisme, c'est-à-dire la capacité du corps à brûler les graisses lorsqu'on ne fait rien. Quand on est sédentaire, c'est super important en fait. Parce qu'on n'a pas le temps de bouger. Et c'est ça, oui. Voilà. Ouais. Et du coup, ces activités-là, la musculation, permet de brûler des calories sans rien faire, entre guillemets. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, on nous avait parlé de 3 repas par jour, mais là, j'entends parler de 6 repas par jour, Frieder Orfenteux. Encore une fois, la répartition, il n'y a pas. Le repas, c'est le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, c'est ça? Mais oui, là, c'est les repas principaux. Ensuite, il doit avoir 3 encas, il doit avoir un encas dans la matinée, à 10h, un par autre exemple, dans l'après-midi, et puis un autre tard le soir. Voilà. Encore une fois, ce qui est important, c'est le volume alimentaire qu'on va prendre, c'est-à-dire le nombre total de kilocalories. Nous avons une répartition idéale qui est celle que vous avez évoquée. Mais après, chacun a la liberté de répartir comme il le souhaite. Ce qui est important, c'est de rester sur, on va dire, l'apport total quotidien dans un intervalle en fait, qui correspond à ses besoins. Après, à chacun de naviguer à l'intérieur comme il le souhaite. Samuel Kopoussami, vous êtes thérapeute, vous êtes un peu l'expert en gestion du stress. Ça vous... Bon, allez, ça m'effraie. Ça vous effraie, ça. Ça m'effraie pour avoir entendu tout ce que ce personnage prend. Ouais, ça fait un peu beaucoup pour vous ? Ça fait un peu beaucoup. Et puis, c'est... Quand j'entends tout son menu, son programme, je me demande, est-ce que cette personne a une vie sociale ou une vie professionnelle équilibrée ? Et s'il se sent bien dans sa peau. Voilà. Et quel est l'objectif, comme disait Nicolas, qu'est-ce qu'il recherche ? Oui. Est-ce qu'il recherche une perte de poids, une prise de masse ? Et c'est vrai que manger 6 fois par jour, c'est pas donné à tout le monde. C'est un rythme de vie, il y a un rythme de sommeil. Et à un moment donné, il faut se poser. Il faut que l'organisme se repose. Et aussi le repos de l'esprit. Voilà. Pour moi, il y a beaucoup d'agitation. Et toute cette agitation n'est pas très sain pour certaines personnes, en tout cas. Qu'est-ce qu'une alimentation saine et équilibrée ? Quelle activité physique pour vous ? Et puis, comment vous gérez votre stress ? On en parle avec les experts sur la première. 02 62 99 2000. Vos réactions également par SMS au 06 92 608 335. Frédor 22, Nicolas Sioulon et Samuel Kopoussami sont sur la première. Everybody. Votre bien-être est au cœur de l'émission Les Experts sur la Première. Et nous sommes là pour vous écouter et aussi pour vous conseiller. Et puis on a un petit peu du beau monde ce matin autour de cette table. Donc Frédéric Fanteux, nutritionniste, Samuel Koupoussami qui est thérapeute et Nicolas Soulon, coach sportif. Alors tenez, en parlant de stress, Samuel Koupoussami, il y a la réaction de Yolaine qui dit de Terre Sainte à Saint-Pierre, je suis beaucoup plus productive en étant stressée. Vous l'avez déjà entendu, ça ? Bien sûr, bien sûr. Je l'ai été aussi quand on a des objectifs, une pression de la part de sa hiérarchie. On est stimulé. Et c'est grâce à ce stimuli, cette adrénaline, qui est aussi nécessaire en sport, qui nous motive, qui nous donne cette envie de décoller, de se dépasser. Et c'est aussi une qualité. Une qualité qui appartient pas à tout le monde, malheureusement. Hein. Donc il y a des fonceurs, des meneurs. Et c'est du stress, je dirais, qui est positif d'un côté, puisqu'il y a une motivation professionnelle. Et d'un autre côté, ce stress professionnel va engendrer un stress négatif au niveau de sa santé, au niveau de son bien-être. Ça peut causer des insomnies, ça peut causer des migraines. Ah, d'accord. Ça peut causer des difficultés au niveau de la vue, donc un déséquilibre hormonal. Quand vous avez trop d'adrénaline, vous avez une hyperpression sanguine, donc le rythme cardiaque, tachycardie. Donc là, vous dormez mal, vous dormez pas assez, c'est ça ? Mauvaise digestion. Mauvaise digestion, oui. Puisque toute l'énergie, elle est concentrée sur le cœur, la respiration et l'activité cérébrale. Et tout le reste est mis un petit peu en veille. Voilà. Et donc ce stress négatif, il a besoin d'être évacué, d'être géré, puisque post-adrénaline, il y a une hormone, l'hormone de la dépression, que certaines personnes nous connaissent, sous forme de mal-être, d'anxiété, d'angoisse. Oui. Les urgentistes le connaissent très bien, puisque quand ils ont connu une journée ou deux rushs, d'après-midi, à la tombée de la nuit, cette hormone qui arrive pour dépressuriser le cerveau, elle engendre cette sensation d'angoisse et d'anxiété. Et à ce moment-là, il est nécessaire de trouver une activité ludique, un sport, un loisir, pour s'aérer l'esprit et s'aérer, je dirais, mentalement, pour pouvoir se régénérer. Tout le monde se rejoint un peu sur ce plateau. Alors, entre le stress, l'activité physique, l'alimentation, tout ça, c'est lié, Frédéric Fanteux. Ah oui, complètement, oui. C'est sûr que c'est... Il y a quand même un élément qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le stress dont évoque monsieur, on sait aujourd'hui qu'il y a un mode alimentaire qui peut aider le corps à avoir un état émotionnel stable. Autrement dit, essayer d'être pas forcément exempt du stress, en tout cas le contrôler. On sait aussi qu'une activité physique, on va dire régulière, peut aussi participer à la libération d'endorphines qui, effectivement, sont connues pour être des marqueurs de bien-être. Donc, tout est lié, en effet, tout est lié. Parce que si vous avez un corps qui est mal alimenté, vous avez beau faire des exercices, le corps ne pourra pas, on va dire, libérer ce qu'il faut pour mieux se sentir. Donc, tout est lié, en effet. Le bon stress, le mauvais stress, ça aussi, on l'entend souvent, Samuel Koupoussami. Oui, le stress, c'est une réaction physiologique du corps par rapport à un stimuli extérieur. Bon, on n'a pas tendance à dire que c'est un peu à la faute au stress, etc. Ouais, si je me sens pas bien, si je ne mange pas bien, si je dors pas bien, etc. Tout ça, c'est la faute au stress. C'est un mot qui est à la mode maintenant. Hein. On l'utilise de plus en plus facilement. On dit même que c'est le mal du 21e siècle. Alors vivement qu'on change de siècle. Vivement alors. Oui. C'est vrai qu'on a le corps a une capacité d'adaptation, je dirais extraordinaire. C'est une machine très bien huilée au niveau du sport, au niveau alimentaire. Et quand on a ce stress négatif ou positif, le corps va s'adapter. Il va mettre en place des systèmes, une stratégie d'adaptation en fluctuant la tension, la glycémie, la respiration. Et à nous de trouver justement le juste milieu pour trouver cet équilibre dans notre vie quotidienne. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile évident. Pour certains. C'est pas toujours évident. Très difficile à gérer tout ça. Et Nicolas Soulon, sur le stress, donc avec le fait que vous proposez de l'activité physique donc à des personnes, vous trouvez qu'il y a du résultat. Ces gens sont beaucoup moins stressés. Au départ, ils viennent vous voir, donc ils sont stressés, ils sont un peu tendu, oui. Etc. Il y a du résultat. Bah, complètement. Alors déjà, le stress, il n'est pas uniquement psychologique, mais il est aussi physique. Il peut se matérialiser sous forme de douleurs au dos, de courbatures. Ça, c'est du stress physique. Ok. Okay. Donc moi, au niveau de l'activité physique, bah, essentiellement, je vais agir en faisant des étirements, des automassages avec des rouleaux de massage. Et après, au niveau, je dirais, psychologique, pour la libération d'endorphines, je vais pratiquer des activités physiques qui vont stimuler les gens. Alors, juste un petit truc, il faut savoir que sans rentrer dans le côté lessivé, on a remarqué que plus on mettait d'intensité et de manière courte sur des efforts, plus on libérait d'endorphines. C'est-à-dire que souvent avant, on aurait eu tendance à vous dire courez pendant 1h30, 2h, ouais. Alors qu'aujourd'hui, on vous dit bah, faites-le vrai, plutôt 20-30 minutes avec une intensité que d'accord, vous gérez. Ouais, ouais. Et voilà, on a beaucoup plus de résultats sur de ce point de vue-là. Karine qui dit manger beaucoup de fruits et légumes, boire beaucoup d'eau, préférer la marche à la voiture, faire un sport et s'octroyer un petit plaisir le week-end. Ricari, glace gâteau. Oui, c'est encore une fois, c'est à chacun de trouver où est son équilibre. Et en la matière, se connaître, c'est quand même fondamental. Parce que ce que décrit l'auditrice est typique de ce que l'on peut trouver chez des personnes qui se connaissent. Parce que le drame, en fait, c'est de faire des choses parce qu'on est forcé. Ou parce qu'on veut suivre une mode, ou une tendance, sans pour autant s'assurer que c'est bien adapté à nous. Or, l'alimentation est un acte qui est très intime, parce qu'il s'agit d'un rendez-vous entre un organisme et un aliment qui vient de l'extérieur. Ce rendez-vous ne doit pas être raté. Et c'est pourquoi il est important de bien identifier à quoi est-ce qu'on vibre, et surtout comment on réagit individuellement par rapport à tel ou tel aliment pris dans telle ou telle condition et à tel ou tel moment, pour petit à petit construire son petit archipel en fait d'alimentation qui sera à même de nous procurer le bien-être. Et là, encore une fois, nous disons qu'il y a des fondamentaux parce qu'on sait les besoins du corps et on sait les aliments capables de les satisfaire. Mais en dehors de ces fondamentaux, chacun a une liberté d'expression qui lui permettra de les mettre en œuvre comme il le souhaite. Parce qu'autrement, ce serait trop triste qu'on vous dise qu'il y a une seule et une voie. Et là, ça aurait été dramatique. Donc, c'est pourquoi c'est important de bien l'intégrer, qu'il s'agit d'une activité individuelle, intime, pour laquelle chacun doit pouvoir trouver quels sont ses déterminants, à partir des connaissances fondamentales qui sont aujourd'hui bien établies en la matière. C'est un sujet qui vous parle beaucoup, évidemment, en étant à l'écoute de la première. Vous êtes nombreux à réagir par SMS au 06 92 70 2000. Nicolas Sioulon, coach sportif. Samuel Kopoussami, thérapeute. Et Frédéric Fante, nutritionniste. Et vous allez répondre tout à l'heure à la question de notre auditeur. Comment perdre du ventre, s'il vous plaît? Quelle est la recette miracle? Cette question ne vient pas de moi, ne me regardez pas comme ça. Elle est signée Damien de Saint-Paul. Donc voilà, comment perdre du ventre, s'il vous plaît? C'est presque un appel au secours. Allez, les réactions en direct avec Mathias au standard 02 62 99 2000. Elle me regarde, elle me détaille. J'ai bien l'impression qu'elle veut prendre ma place. Mais elle s'en cache, ce n'est qu'un détail. Elle veut se la jouer femme fatale. Garde ta place, quoi tu fasses. Tu ne m'arrives pas à la cheville. Tu me dévisages, tu te l'envisages. Il ne finira pas dans ton lit. Oh non! Quand c'est trop, cherche ta petite et pas son style de go. Non. Quand c'est trop, je te vois minaude et t'as pas le niveau. Oh, non. Quand c'est trop, t'as l'air d'y croire, tu vas tomber de haut. Non. Quand c'est trop, j'ai faux fermé les yeux. Ta femme, si elle n'existe pas, je vais pas te mentir, c'est mieux. Cette fille, je la supporte pas. Que tout ça te plaît, mais tu m'enlaces pour me rassurer. Peu importe, elle s'approche encore plus près. Pourquoi tu stresses? Qu'est-ce que tu caches? Dis-moi ce que t'as pu lui raconter. T'es pris de panique, donc tu divagues. Ça y est, tu commences à bégayer. Oh non! Quand c'est trop, cherche ta petite et pas son style de go. Non! Quand c'est trop, je te vois minaude et t'as pas le niveau. Oh, non! C'est trop, t'as l'air d'y croire, tu vas tomber de haut. Non. Quand c'est trop, j'ai faux fermé les yeux. Ta femme, si elle n'existe pas, je vais pas te mentir, c'est mieux. Cette fille, je la supporte pas, je peux pas fermer les yeux. Tant qu'elle tourne autour de toi, je vais pas te mentir, c'est mieux. Cette fille, je la supporte pas, non. Oh, non. Hey, oh, hey, oh. restez pas, je vais pas te mentir. C'est mieux, cette vie je la supporte pas. Je peux pas fermer les yeux tant qu'elle tourne autour de toi. Je vais pas te mentir, c'est mieux. Je la supporte pas, non. Un mode alimentaire peut aider le corps et une activité sportive régulière. Tout est lié, nous sommes bien d'accord. Il faut que le corps se libère et vous débarrasser de votre stress. Le corps a une capacité à s'adapter. À nous de trouver le juste milieu pour notre vie quotidienne. Le stress n'est pas seulement psychologique, il est aussi physique. Les invités, nos experts sur la première, le nutritionniste Fred Orfante, le thérapeute Samuel Koupoussami et le coach sportif Nicolas Sulon. Damien de Saint-Paul pose une question que beaucoup de Réunionnais se posent et qu'on voudrait avoir cette recette miracle, s'il vous plaît, messieurs les experts. Comment perdre du ventre? Ne me regardez pas, Frédéric Fanto, j'ai un peu de mal. Est-ce que vous avez une recette? Arrêtez, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez une recette miracle? Oui. Pris d'orphante, oui. Non, mais la recette, si elle existait, on la saurait. Non, je pense que de manière très, très simple, il faut simplement dire que le fait d'avoir un ventre, on va dire, important, puisque c'est ce qui est évoqué, il y a au moins trois déterminants. D'accord? Bon, le premier, il ne faut pas oublier la déformation de l'organe, hein, parce que, bon, qu'avec l'âge et les abus alimentaires, bon, effectivement, on peut venir à vivre une déformation qui peut entraîner effectivement une augmentation du volume au niveau abdominal. Le deuxième déterminant, ça peut être aussi un transit qui n'est pas satisfaisant. Donc effectivement, bon, on a du mal à évacuer et puis effectivement, ça peut participer. Et puis le troisième déterminant, effectivement, c'est l'accumulation de masse grasse au niveau abdominal. Mais ces trois déterminants m'amènent à dire que c'est quand même difficile, hein, d'accord, d'espérer un résultat miraculeux. On a la chirurgie, hein, donc on peut effectivement envisager une opération qui peut éventuellement remettre tout ça comme on le souhaite. Ouais, ouais. Mais si on veut le faire uniquement par l'hygiène de vie, c'est-à-dire activité physique et alimentation, il ne faut pas s'attendre à des résultats extraordinaires. On pourrait avoir éventuellement une stabilisation, donc on peut se dire « j'ai atteint tel niveau, je ne dépasserai pas ». Et pour ça, je mets en place toute une organisation en matière d'alimentation et d'activité physique pour éviter que cela ne s'aggrave. Mais dire qu'on aura une solution radicale, c'est-à-dire retrouver son ventre de 18 ans, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas trop rêver. Voilà, en toute humilité. En clair, il est facile de prendre du ventre, mais très, très compliqué, très difficile d'en perdre alors. Ah oui, c'est pour ça que vous avez très bien compris, c'est pour ça que la prévention en la matière a toute sa place. C'est-à-dire que dès le départ, et toute sa vie durant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une partie du corps qui a tendance à, on va dire, à prendre des chemins que nous ne souhaitons pas, très vite, surtout si nous l'abandonnons. C'est-à-dire au niveau de l'alimentation et au niveau de l'activité physique. Et donc, c'est une partie du corps qu'il faut, à laquelle il faut faire attention, hein, toute sa vie durant pour éviter qu'elle nous échappe. Samuel Koupoussami, thérapeute. Le fait de, oui, de perdre du ventre, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est très important parce que les auditeurs se posent beaucoup de questions, ça c'est clair. Tout à fait, c'est très difficile de perdre du ventre. J'ai moi-même essayé certaines techniques et c'est vrai que la ration alimentaire est importante. Donc diminuer sa ration, diminuer les apports caloriques, là c'est pas un secret, donc diminuer le sucre, diminuer les apports gras et favoriser les fruits et légumes. Là, on apporte un meilleur transit. Certaines personnes peuvent aussi jeûner. Le jeûne met en... Ah oui ? Oui, le jeûne alimentaire. Mmh. Certaines personnes le font une fois, un jour par semaine ou plusieurs jours. Ça permet de ralentir l'activité de certains organes et de permettre la libération des toxines. Donc, ce qui permettrait, une bonne circulation en faisant le vide dans les organes qui interviennent dans la digestion. Voilà. Et l'apport, mon voisin nutritionniste, il va le confirmer aussi, je pense, que l'apport d'épices chauffantes, piquantes, va améliorer le transit et du coup diminuer le temps de stase intestinale. Donc cette le temps de fermentation sera plus court. Ce qui va apporter un bien-être au niveau digestif, au niveau du transit et aussi au niveau du mental. Puisque quand on mange lourd, on a besoin de toute notre énergie. Qu'est-ce que vous appelez manger lourd? Nicolas Sioulon, vous allez donner la recette miracle, parce que beaucoup de monde compte sur vous là pour perdre du ventre. Hein. Vous êtes le coach sportif. C'est pas ça, mais qu'est-ce que c'est que manger lourd, Frédéric Fateau? C'est manger du riz, c'est manger des caries, c'est manger des féculents, c'est quoi? Derrière le terme lourd, il faut voir deux choses. D'abord, la première chose, c'est au niveau quantitatif. Hein. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont des volumes alimentaires qui sont au-delà de leur capacité d'ingestion. Et de stockage sur le plan intestinal. Donc, manger lourd veut dire déjà prendre des quantités importantes. Et la deuxième chose, c'est une alimentation riche dans laquelle on aura superposé le gras, le sucre et le sel. Donc, dans manger lourd, il y a deux aspects. Il y a le volume, d'accord? Le volume, oui. Et puis, il y a le côté calorique. Donc, effectivement, si vous avez très clairement, vous prenez un plat de caries avec le riz qui est servi en piton, et puis au-dessus, on a mis un demi-poulet avec la sauce, là, on est effectivement dans manger lourd. Parce que, au niveau du volume, c'est important. Au niveau calorique, ça l'est aussi. Effectivement, c'est un élément qui peut participer au fait que le ventre, en fait, prenne du volume. Parce que, encore une fois, ce sont des tissus. Hein, les tissus qui sont élastiques, en fait, et qui finalement ont une fermeté qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas, on va dire, définitive. Autrement dit, si vous avez une barrière sur laquelle vous n'arrêtez pas d'appuyer par des quantités importantes, ben le tissu finit par perdre sa fermeté, son élasticité, et puis alors là, tout devient possible après. Donc, manger lourd, effectivement, ça fait partie des éléments qui vont aider, sinon à stabiliser, on va dire, un ventre qui est déjà important, ou en tout cas, empêcher que celui-ci ne se développe. Anne, qui vous écoute à la radio, Anne trouve que vous êtes vraiment géniaux, messieurs les experts. Merci, merci d'être là. Et merci, Anne, pour ce message. Nicolas Sioulon, coach sportif, perdre du ventre. Ventre, pardon. Allez, une bonne recette. Alors, bah, y a deux choses. Et dites-nous que c'est possible. Il y a le tour de taille. Oui. Et il y a la masse grasse. Alors, par rapport à la masse grasse, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on perd du poids, lorsqu'on cherche à perdre les graisses, on ne va pas perdre de manière localisée. Donc, il se peut que vous perdiez d'abord peut-être au niveau du menton, je ne sais pas, pas forcément au niveau du ventre. Par contre, en revanche, il est possible de diminuer un petit peu son tour de taille tout simplement en faisant des exercices de gainage, des exercices type de gym hypopressive qui vont travailler la respiration, qui vont comprimer un peu plus tout ça. Voilà. Les séances d'abdos, par exemple, tous les matins au réveil, ça marche pas, ça? Ça dépend quel type d'ado, c'est difficile. Il y en a qui sont assez dangereux, qu'on a pas mal fait dans les salles. Pas forcément dans les salles, mais qu'on a plutôt mal fait. Qu'on voit souvent les gens faire. Après, l'exercice de gainage me semble être un bon remède. J'aime bien ce terme gainage là. Moi, je l'aime bien. Le gainage, ouais, j'aime bien parce que pour moi, c'est une gaine en fait. Le gainage, j'aime tout à fait. C'est comme je, enfin, moi, je peut-être mal exprimé, mais c'est le thème. Enfin, le thème en fait, c'est vraiment la gaine, quoi. C'est une gaine qui est là, c'est une gaine, qui est naturelle et qu'on se doit de préserver par son hygiène de vie. Et une fois que la gaine a lâché, ben, ça devient difficile. Il faut dire la vérité aux gens. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris du vent de manière importante, la gaine, elle a lâché. Donc, la fermeté est telle que pour la retrouver, je suis désolé, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est pour ça que, encore une fois, mettons l'accent sur la prévention en disant à tout un chacun, faites attention au volume alimentaire que vous ingérez parce que ce volume peut avoir sur la gaine un impact négatif. Qui va stocker, faire en sorte que la barrière va lâcher. Et quand la barrière a lâché, ben le ventre, après, il pousse de manière quasiment illimitée. On ne veut pas que la barrière lâche, surtout ça. Oui, Nicolas, sur le gainage, en fait, les exercices d'abdominaux, ils ont un rôle de massage des viscères, tout simplement. Ouais. Donc, c'est essentiellement à ça qu'ils vont servir. Une bonne tenue de la colonne, ce genre de choses-là. Je rejoins Venteux en disant que moi je dis je donne vous des conseils. Vous êtes tous d'accord avec Frédéric Venteux? Ouais, il est formidable. C'est vrai. Bon, écoutez, j'ai eu raison de l'inviter, moi. C'est clair. Oui, Samuel Kopoussamy. Merci. Je voulais apporter une précision. Le rapport que chaque personne a avec la nourriture, puisque la nourriture est là aussi pour compenser un mal-être. Hein, on parle de bien-être, mais on peut parler aussi de mal-être. Et le fait de se remplir, c'est aussi apporter une sécurité émotionnelle ou affective. Donc c'est une donnée à prendre en compte, cette anxiété, ces maux que les gens souffrent. C'est le bonheur. Le bonheur existe-t-il? Et on le compense à travers la nourriture, le chocolat et certaines choses sucrées. Vous savez, hein, le bonheur est dans le pré, le bonheur est dans l'assiette. Il est partout. Etc. On est bien d'accord. Alors, vous écoutez, vous conseillez surtout sur la gestion du stress, l'alimentation saine et équilibrée, l'activité physique. Nous irons tout à l'heure retrouver Noémie de la Possession et puis continuer à réagir par SMS au 06 92 70 2000. Réunion Première, la plus grande couverture FM de Lille. À Saint-Joseph, 87.8. Le Port, 91. Saint-Benoît, 106.7. Saint-Denis, 89.2. Merci de votre fidélité. Et retrouvez la liste des fréquences sur notre site internet réunion.lapremière.fr. Première. Première. Le nutritionniste Frieder Fanteux est également présent, Samuel Kopoussami, thérapeute et spécialiste de la gestion du stress, et puis Nicolas Stiolone qui est coach sportif. Les questions, les réactions en direct sur la première au 02 62 99 2000. Ma vie n'allait tous les jours, qui est dans mon tête un soleil, tic-tic à moi-même la nuit, tellement m'y trouve pas sommeil. Brille comme un vélis, capable de faire jaloux la lit. Brille comme un vélis, capable de faire jaloux la lit. Ah, moi, mes rêves, pareil, Martin Luther King, depuis grand matin quand m'y lève, jusqu'à donne grand la nuit, quand moi n'a rien que l'espoir. Pour tenir debout, quand mon goni les vide, et que moi n'asiste l'amour. À moi m'y rêve. À tes moi m'y rêve. Comme un fanal pour mieux voir, dans une vallée la moyenne clair. Que n'a fois des fois y fois, d'y'a ou n'a point d'hasard. Malgré ou goût douleur, n'a toujours battement d'un cœur. Malgré ou goût douleur, n'a toujours battement d'un cœur. À moi m'y rêve, pareil Martin Luther King, depuis grand matin quand m'y lève, jusqu'à donne tendre la nuit, quand moi n'a rien que l'espoir. Pour tenir debout, quand mon goni les vide, et que moi n'asiste l'amour. À moi m'y rêve. À tes moi m'y rêve. Sur la première. Première. Noémie de la Possession est avec nous en direct sur Réunion Première. Bonjour Noémie. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Alors ça vous passionne un petit peu ce sujet, notamment sur l'alimentation saine et équilibrée, l'activité physique et la gestion du stress. Oui, mais voilà. Allez-y. Je voudrais poser une question. Il y a une association qui intervient sur la possession. Oui. Je sais qu'elle s'appelle apparemment Maigrir sans régime. Maigrir sans régime. Mais j'arrive pas en fait à avoir leurs coordonnées. Maigrir sans régime, c'est possible déjà. Alors déjà, on va peut-être... Oui, c'est un coach. Nicolas Sulan, allez-y, allez-y. À mon avis, c'est pas une association, mais c'est un coach sportif. D'accord. C'est une coach, c'est Alicia. Alicia Coach. Alicia Coach, d'accord. Voilà. Et pourquoi ça vous intéresse, notamment maigrir comment vous le disiez ça tout à l'heure, c'est comment maigrir sans... Maigrir sans régime. Maigrir sans régime. Oui, voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait, étant plus petite, j'étais obèse. Oui. Et il faut savoir que j'ai 17 ans. Et maintenant, je suis en surpoids, mais j'aimerais encore perdre du poids pour rentrer dans la courbe du poids normal. Et je mange beaucoup de légumes, de fruits, à petite quantité. Non, il faut savoir aussi que je suis végétarienne, donc je mange plus de viande. Oui. Vous mangez du poisson, hein? Voilà. Vous mangez du poisson, vous mangez des œufs? Oui. D'accord, oui. Mais je ne perds plus de poids, en fait. Ça ne bouge plus sur la balance. Ça ne bouge plus sur la balance. Alors, déjà, vous permettez que l'on jette un œil sur votre cas, s'il vous plaît, Noémie. Déjà, au niveau de son alimentation, Frieder Fante. Oui, il faut dire que souvent, on est dans des extrêmes, en fait. C'est qu'elle décrit une alimentation qui est assez peu diversifiée. Et cette faible diversification peut expliquer que le poids ne baisse pas. Ah, hein? Parce que moins on mange, en fait, plus le métabolisme des bases, en fait, s'affaiblit. Et donc le corps, en fait, répond de moins en moins au changement alimentaire. Voilà, donc cela peut expliquer une stabilisation telle qu'elle le vit. Voilà, donc ça veut dire soit on repart sur une diversification beaucoup plus grande, en fait, ou dans tous les cas, il faut passer à autre chose, en fait, pour casser le plateau et obtenir que le poids se remette à baisser. C'est oui, classique. Noémie ? Oui. Vous en pensez quoi alors ? Non, mais j'ai compris et oui. Je vais y remédier. Alors maintenant, on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. Maigrir sans régime, Nicolas Sulon, qui est coach sportif, propose aussi ce genre de programme. Vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Alors, ben, maigrir sans régime. Oui. L'idée, c'est que, avec l'aide d'un nutritionniste, on a créé un programme axé sur l'activité physique et des conseils nutritionnels simples. La base de l'équilibre alimentaire, oui. Micronutrition, macronutrition. Oui. On leur fournit des fiches afin qu'ils puissent comprendre l'importance d'avoir une alimentation variée. Ce qu'on disait tout simplement tout à l'heure. Donc voilà, et à côté de ça, on leur propose de l'activité physique. En fait, on a un message qui est très simple, c'est qu'on leur demande de manger mieux. Parce que le fait de manger mieux, en fait, d'améliorer la qualité de l'alimentation, ça diminue sainement les calories. Je sais pas si... Complètement, oui, monsieur. Oui. Si on passe d'une alimentation moins grasse et moins sucrée, on diminue un petit peu les calories. Et en même temps, on augmente la dépense calorique, ce qui fait qu'on va créer un déficit qui va amener la perte de poids. Ah oui. Après, j'ai juste un petit conseil. Lorsqu'on arrive à des effets plateaux, chez certaines personnes, ça commence à être compliqué. C'est quoi l'effet plateau? Plateau, c'est quand on stagne, que ça prend du temps. Des fois, on aura beau changer le type d'entraînement, ce que nous on fait en tant que coach. Mais après, si on n'a pas de suivi à côté au niveau nutritionnel, diététicien, ça peut créer, on peut rester sur cet effet plateau. Donc, comme disait Fente tout à l'heure, il faut casser un peu les choses, amener de la nouveauté, que ce soit dans l'entraînement ou dans l'alimentation. C'est ce qui va faire la différence, en fait, après. Samuel Koupoussamy, thérapeute, sur la situation de Noémie. Vous avez des choses à dire, là, oui. Oui, j'étais en train de réfléchir à cette situation. C'est vrai que l'équilibre alimentaire et l'apport d'exercice physique est important à cet équilibre. Et quel est vraiment ton objectif, Noémie? C'est retrouver une taille agréable ou par rapport au regard des autres corps, en fait. Pour qu'elle se sente mieux dans son corps et voilà. Ouais. Je dirais que Nicolas est très bien placé pour l'aider par rapport à son programme diététicien et sportif. Ces deux programmes ont lui apporté cette complémentarité dans son équilibre au niveau de son bien-être. Il faut se faire accompagner, ça c'est clair, hein, à un moment donné, quand on est un peu perdu, au lieu de sombrer dans des choses qu'on retrouve sur Internet, des préjugés, je dirais, vaut mieux se faire accompagner, c'est beaucoup plus simple par les professionnels. Noémie, donc c'est faisable, c'est possible. Hein, donc les coachs sportifs proposent ce programme Maigrir sans régime. On a toutes vos coordonnées, on vous rappelle dans quelques semaines pour voir s'il y a du résultat. D'accord ? Vous ne quittez pas Noémie, d'accord ? D'accord. Merci. À très bientôt dans deux minutes, le flash de la première. Nous revenons juste après, évidemment, avec nos experts du bien-être, alimentation saine équilibrée, l'activité physique et la gestion du stress. Voici Julien Peretta sur la première. When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. And the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you, a miracle that was meant for two. L'alimentation saine, équilibrée, l'activité physique, c'est juste après le flash de 11h sur la première. Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Depuis ce matin, les locaux de la Dôme sont littéralement pris d'assaut par les étudiants et leurs parents. Pour beaucoup, c'est le dernier jour dont ils disposent afin de finaliser leur dossier, car ils doivent rejoindre la métropole en début de semaine prochaine et les bureaux de la Dôme sont fermés le vendredi. Les familles sont surtout venues vérifier l'information parue dans les médias selon laquelle l'organisme d'État délivrerait désormais les billets d'avion même lorsque le dossier est incomplet. Explications et témoignages dans le journal de midi. L'information fait la une du journal de Lille ce matin à Saint-Paul. En début de semaine, une fillette de 3 ans est morte intoxiquée par un chauffe-eau à gaz installé dans la salle de bain de la maison familiale. Également intoxiquée, une adolescente de 15 ans a elle survécu. Ce sont des vapeurs de monoxyde de carbone provenant du chauffe-eau qui sont à l'origine du drame. À Sainte-Rose, le restaurant implanté sur le site de Lens des Cascades reste ouvert. Décision du tribunal administratif. L'Office national des forêts réclamait sa fermeture, mais n'a pas convaincu les juges. Soulagement pour la famille d'Edmond qui est à la tête de ce restaurant depuis plusieurs décennies. On en reparle dans nos prochaines éditions. Les chiffres du chômage repartent à la baisse dans l'Hexagone, mais ils restent stables à La Réunion. Fin juillet, notre île comptait 134 470 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A. Les chiffres du chômage sont donc en baisse dans l'Hexagone, moins 0,5% sur un mois. Dans la grande région, un premier cas de Zika confirmé à Mayotte. Il ne s'agit pas d'un cas autochtone. La personne ayant contracté le virus vient de séjourner dans la zone anti-Guyane où sévit la maladie. Elle a rapidement été prise en charge. L'Agence régionale de santé Réunion Mayotte est sur le qui-vive afin de veiller à ce que le virus Zika ne débarque pas à Mayotte ou à La Réunion. Culture Première, le magazine culturel de la rédaction de Réunion Première, c'est désormais le jeudi soir. Aujourd'hui, Jean-Paul Mélade recevra Mike Coléo du Théâtre du Grand Marché, Aldo Jean-Jacques de la salle Vladimir Canter et le musicien Jim Fortuné. Rendez-vous ce jeudi à 18h15 sur Réunion Première, juste après le journal. Et puis, c'est dans l'actu, juste après le journal de midi, à partir de 12h15. Ce midi, Philippe Dornier s'intéressera au thème du chien. Et s'agit-il vraiment du meilleur ami de l'homme ? La journée mondiale du chien a lieu demain et à la veille de ce rendez-vous, on fera un focus sur l'éducation canine, la protection des chiens, ou encore les soins à prodiguer. Tout de suite, on fait un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Le bilan s'est encore alourdi depuis hier en Italie après le tremblement de terre. 247 morts, c'est le chiffre donné cette nuit par la protection civile italienne et des blessés par centaines. La France, toujours dans la canicule, des pointes à 37 aujourd'hui en Bourgogne, 36 dans le Limousin en Auvergne et en Île-de-France. Reportage dans le prochain journal à 9h sur France Info avec des Parisiens en quête de fraîcheur. Le chômage est reparti à la baisse en juillet. Après deux mois de hausse, un recul d'un demi% pour la catégorie de référence. 19 100 chômeurs de moins que le mois précédent et un total d'un peu plus de 3,5 millions de demandeurs d'emploi. Un coup d'œil sur la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. D'ici la mi-journée, les nuages seront dans l'intérieur de notre île et un ciel qui apparaîtra bien chargé sur les hauteurs. Il y aura de la pluie dans ces régions. La côte nord entre La Possession et Saint-Denis sera elle aussi sous les nuages. Et pour trouver le soleil, ce sera plus du côté du littoral. Les températures affichées aujourd'hui, 14 au volcan, 21 degrés à Sillaos, 26 sur le littoral et 25 degrés dans le chef-lieu à Saint-Denis. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Le bien-être est au cœur de votre émission de service Les Experts sur la Première. Et pour répondre à toutes ces questions, que ce soit sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur la gestion du stress, des experts. Et à mes côtés sur la Première, le nutritionniste Frieder Fenteux, le coach Nicolas Sioulon et le thérapeute Samuel Koupoussami. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000. Et puis continuez à réagir par SMS au 06 92 70 2000. Nous irons au standard tout à l'heure retrouver Marie, notamment pour une question pour les experts. You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Our love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no your so. No, no, no. Forgot the time, feeling petrified when they lived alone. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies begun at night. If you're lying, experts ce matin sur la première, l'alimentation saine, équilibrée, l'activité physique, la gestion du stress. Elodie qui nous dit l'activité physique, oui, 10 heures par semaine. Stressé, ça dépend des jours. Une alimentation saine égale riche, variée, avec fruits et légumes à placer en priorité à nos repas. Le faire 5 repas par jour, donc si possible, petit-déj, fruits, céréales, pain complet, miel, etc., etc. En cas 10 heures, donc avec un fruit. Le déjeuner, 100 grammes de féculents, riz, pâtes, pommes de terre, etc. Viande maigre si possible. LOL, elle dit, pas boucané, hein, s'il vous plaît, ou bien un bon poisson. En cas 16 heures, fruits et au dîner, crudité uniquement, soupe repas allégée, c'est bien d'éviter la viande le soir et se faire une belle et bonne salade. Marie est avec nous, Marie de Saint-Denis, bonjour. Bonjour à vous tous. Marie, je vous présente donc les experts, s'il vous plaît. C'est Frieder Fente, nutritionniste, Samuel Koupoussami, qui est thérapeute. Bonjour. Et bonjour. Nicolas Sioulon, coach sportif. Bonjour. Bonjour, votre émission m'intéresse beaucoup, parce que là, j'ai un petit souci par rapport à ma fille. Elle est dans la vingtaine, et elle a un petit souci de poids. Alors, je ne sais pas comment faire pour la faire comprendre que là, ça ne peut pas continuer et qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, et en douceur. Le faire donc, en douceur. Comment faire? Le faire en douceur, c'est ça? Oui, parce que je ne vais pas la vexer par rapport à son poids. Je ne veux pas la mettre mal à l'aise, mais je voulais avoir une solution pour qu'elle puisse prendre conscience de cela, quoi. Elle a quel âge, votre fille? Dans la vingtaine. Vingtaine. Ouais. Et donc, pour l'instant, vous trouvez qu'il y a un petit peu de laisser aller, c'est ça? Beaucoup. Beaucoup? Ah, beaucoup. Beaucoup de laisser aller. Ouais. Alors, je regarde mes experts. Chacun est en train de réfléchir dans son coin. Mais qu'est-ce Samuel, Samuel, oui, Koupoussami, je prends la parole. Bonjour Marie. Bonjour. Qu'est-ce que vous appelez elle se laisse aller? Non, je veux dire que ben pour elle, elle se sent bien dans sa peau, mais le problème c'est que moi, à vue d'œil, je vois qu'elle prend du poids et que ben ça continue. Elle a une activité du tout. Elle travaille pas. Elle fait rien aucun sport. Aucun sport, aucune activité professionnelle. Si elle travaille, mais le problème c'est que je sais pas si c'est suffisant. Et je dirais, vous estimez à combien sa prise de poids, par rapport à ce que vous me dites tout à l'heure? Vous la voyez grossir? Vous la voyez mal dans sa peau? Oui. Non. Elle se sent bien, moi, je pense. Mais je vois qu'elle grossit et je ne sais pas comment la faire comprendre que bah, il faut faire attention. Alors, c'est pas simple, parce que là, elle dit que elle a l'air d'être bien dans sa peau, mais c'est sa maman qui voit ce changement. Voilà. Oui. Ça, c'est... Alors, je parlerai plus à la maman de lâcher prise. Hein. C'est un mot qui est d'actualité, lâcher prise, lâcher la pression. Accompagner votre fille en douceur, parlez-lui, écoutez. Observez-la dans ses habitudes alimentaires, ses habitudes, je dirais, de tous les jours à la maison, comment elle se comporte. Oui, mais comme elle habite plus chez moi, donc... À ce moment-là, rendez la visite. Allez faire un tour chez elle. Recréez le lien, rediscutez, et voyez un petit peu quelles sont ses habitudes, et accompagnez-la tout doucement et voir qu'est-ce qui se passe. Et posez-lui quelques questions, je dirais, intimes, de relations entre mère et fille. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, pourquoi qu'est-ce qui la rend heureuse et qu'est-ce qui la rendrait malheureuse, pour qu'il y ait cette, entre guillemets, cette compensation au niveau alimentaire. D'accord. Il est important de recréer ce lien. Et vous, en tant que maman, c'est un accompagnement, une proximité. Et surtout, de ne pas être incisif, de ne pas lui dire tu es grosse, de ne pas la rabaisser, de ne pas la dénigrer, mais au contraire, de la revaloriser à vos yeux, parce que ce sont les yeux d'une maman, des yeux remplis d'amour. Et, c'est important, ça. Et voulez l'aider. Ouais. Et maintenant, il faut trouver l'aide. Il faut lui apporter l'aide qui lui convient et non, entre guillemets, lui envoyer un petit coup d'aiguille qui va l'éloigner de vous. Ouais. Et c'est pour ça que je dis en douceur. Donc, il faut trouver les mots. Et là, comment faire? Que dit notre nutritionniste Frédéric Fenteux? Moi, je pense que dans le cas de madame, en fait, il faut être plutôt dans la pratique que dans le dire. Ça veut dire que quand vous l'invitez à la maison, en fait, vous montrez l'exemple. En la matière, l'entraînement sera beaucoup plus efficace que 10 000 heures de discours. Elle doit pouvoir vous voir faire et vous sentir bien dans ce que vous faites pour avoir envie elle-même de faire. Veut dire qu'il faudra éviter, si vous voulez, de donner des leçons sans être dans la pratique. C'est-à-dire que quand votre fille vient vous voir, il va falloir qu'elle se rende compte que vous, vous faites attention sans même que vous ayez à le lui dire. L'exemplarité dans ce domaine-là est mille fois plus efficace qu'à vouloir se positionner comme étant « je sais et je vais te dire ce qu'il faut faire ». Voilà. Donc, de manière très concrète, quand vous la recevez, vous faites des plats que vous souhaitiez, que vous pensez être bons pour elle, parce que équilibré, voilà, et pour vous, mais d'abord bon pour vous, parce qu'il faut qu'elle, elle vous prenne comme exemple. De la même manière, si vous êtes active dans votre vie, lorsque vous êtes en situation de faire l'activité physique, demandez-lui si elle veut bien vous accompagner. Ou alors, quand vous sortez de l'activité physique, allez lui rendre visite en tenue de sport et montrez-lui que vous êtes bien dans votre peau. Ce que je vous fais comprendre, c'est que amener quelqu'un dans cette dynamique marche beaucoup mieux lorsque on est entraînant, parce que il s'agit de l'amener vers une hygiène de vie que vous pensez être bien pour elle, mais que elle ne perçoit pas comme telle. Donc il faut que elle vous voit vous épanouir dans ce mode de vie pour accepter, n'est-ce pas, de venir avec vous. Et je pense que c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus encourageant. Et c'est surtout beaucoup moins culpabilisant, parce que quel que soit le mot que vous utiliserez, elle va probablement percevoir ça comme étant un jugement de valeur, et elle vous dira, à 20 ans, je fais ce que je veux de ma vie et de mon corps. Et en l'occurrence, elle aura... Elle risque de mal prendre. Forcément, parce qu'elle va vous dire, de quel droit? Je suis adulte, je suis majeur, je fais ce que je veux. Par contre, lui faire partager ce que vous avez comme bénéfice à faire attention à votre alimentation et à vous activer, sera à mon avis... beaucoup plus facilitateur. Et puis si alors vous appartenez à des groupes de marche ou des choses comme celle-là ou des groupes dans lesquels vous échangez vos pratiques alimentaires, ça peut être intéressant aussi de l'y intégrer. Mais je pense que jouer dans l'exemplarité me semble vraiment une voie beaucoup plus prometteuse que de vouloir absolument trouver des mots. Voilà. Elle doit voir que vous êtes investi et surtout que vous êtes bien dans cette pratique-là. Voilà. Marie, maintenant, l'avis. Alors attendez, l'avis de Nicolas Sioulon, qui est coach sportif. Tout est dit. Merci Nicolas, à bientôt. Si vous faites du sport, si vous-même vous faites du sport, peut-être que votre fille... Un peu de marche, je fais de la marche quand j'ai la possibilité. D'accord. Bah, si ça peut lui plaire la marche, vous pouvez l'emmener avec vous par exemple. Donc ça la motivera peut-être à changer un petit peu son hygiène de vie. C'est pas motivant. Elle n'est pas motivée pour la marche. Alors peut-être lui poser la question de quelle activité pourrait lui plaire, parce qu'il y a quand même un gros panel d'activités. Et le cas échéant, vous le faites ensemble. Vous n'êtes pas seul dans ce genre de situation, Frédéric Fenteux, c'était le Kopoussami et Nicolas Sioulon. C'est que non, mais vous avez raison de soulever ce problème à la radio, parce que de nombreuses mamans sont dans votre situation aussi, dans votre cas. Qui voient le changement de leur enfant, Frédéric Fenteux et Samuel Kopoussami et Nicolas Sioulon, mais que l'enfant peut-être ne ressent pas ça comme ça. C'est pour ça que lorsqu'on voit ces changements, en fait, plutôt que de vouloir engager une discussion, il faut mettre en place dans son environnement propre, en fait, une organisation qui donne envie à l'enfant de vous rejoindre. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que si vous allez marcher dimanche matin et que après la marche, comme c'est souvent le cas, on est bien, partir chez sa fille, partager un café et faire en sorte qu'elle partage l'enthousiasme que vous avez eu à marcher, elle vous dira, ben, peut-être la prochaine fois, je viendrai peut-être avec toi parce que je vois que tu es bien. Voilà. Parce que personne ne va être mal dans sa peau. Personne. Et on va aller vers les personnes qui sont bien parce qu'on va être comme elles. Voilà. Donc, soyez, madame, un exemple pour votre fille. D'accord. Alors, écoutez, on a pris vos coordonnées. On vous rappelle dans quelques jours, d'accord ? Voir oui. Marie s'il y a eu un petit peu de changement dans tout ça, d'accord ? Et comment s'appelle votre fille ? Isabelle. Isabelle, très bien. Merci, ouais. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup à vous. À bientôt sur la première. Bientôt, les experts Samuel Koupoussami, thérapeute, Pris Lorfante, nutritionniste, et puis Nicolas Sulon, coach sportif. Réunion première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place ? Réunion première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion première. Très rapidement, Frédéric Fante, le nutritionniste est-il remboursé ? Ça, c'est une question de Isabelle de Saint-Louis. Non, absolument pas. Hein. Absolument pas. Parce que, bon, vous avez les médecins nutritionnistes qui, eux, peuvent être remboursés, mais des scientifiques comme moi ne le sont pas. De même que les diététiciens non plus ne le sont pas. Il y a une étude, il y a des actions qui sont menées actuellement pour voir dans quelle mesure les diététiciens le seraient. Mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. Oui. Bon, allez, on va se retrouver juste après Gary Fico. Il vous reste très peu de temps pour joindre le standard de la première au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Et puis alors, il y a aussi des auditeurs qui nous disent « Nous avons un petit ventre, ça ne nous dérange pas du tout. » Ce petit garnement et l'audace incarné, il me ressemble tellement que je ne pourrais le renier. Notre fraternité lui a permis d'hériter de ma classe naturelle, de ma subtilité. Je ne cesse de lui donner des conseils par milliers. Petite énergumène, voudrait me ressembler, mener les femmes par le bout du nez. Alors avant, il doit apprendre à m'écouter. Hey. Il est le même que moi. Non, il ne veut pas l'écouter. Je ne veux pas lui ressembler. Avec un bouquet de fleurs. Mais lorsqu'elle sort, elle ne fait jamais rien. Jamais. Et repart avec moi le bouquet à la main. On s'aime plus que tout, malgré nos petites querelles, je l'avoue. Entre nous, je crois juste qu'il est un peu jaloux. Jaloux. Oh yeah. Et j'en suis fier, car il a tout pour plaire. Alors ça étonne beaucoup d'auditeurs de la première que maigrir sans régime, c'est tout à fait possible, qu'il est vraiment possible. Nicolas, donc notre coach, qui disait qu'un programme avec l'aide d'un nutritionniste, alimentation variée, mieux manger, moins grasse, moins sucrée, une alimentation peu diversifiée, peut empêcher de maigrir. Effet plateau, donc on disait, mais alors c'est quoi cet effet plateau? C'est quand le poids stagne, donc c'est décourageant, il faut casser les choses, amener de la nouveauté, diversifier. Donc de Samuel Koupoussami, notre gestionnaire de stress, notre thérapeute, un programme pour se faire accompagner par un professionnel. On en parle sur la première, évidemment, avec vos réactions au standard. Yannick de Sainte-Suzanne. Bonjour Yannick. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Alors, comment allez-vous Yannick? Ben, m'a envie de rire. Que ça l'a fait? Que ça l'a fait, le petit message m'a envie de pouvoir faire rire vous. Ah oui, très drôle. Alors, donne-nous ton message. Ben justement, mon message m'a envie, vous voyez. Bon ben voilà, ben, en fait, mais depuis la saison, oui. Il pèse que 59 kilos. Et comme par hasard, ma 38 ans, ben, cette année, oui. Ben, m'a pris du poids, mais bon, on dérange pas mal, comme tu vois, on dérange pas mal du tout. Oui. Pour le travail qu'on fait, et voilà. Bon, moi, même ce qu'on me dit, ben, tu sais ce qu'on t'a fait, hein. Entendu. Donc, voilà, quoi. Et moi, c'est plus de la... En clair, vous pesez combien de kilos au départ? 59. Ouais, et vous les passez à combien? M'a pris 3 kilos, donc il passe à 62. 62 kilos. À quel âge? Voilà. Quel âge on est là? 38. 38 ans. D'accord. Ouais. Donc ouais, la différence, elle est là, depuis 16 ans. Mais là, il a 38, mais bon, il mange comme un verra. Hein. Il mange. Voilà. Ça, on mange beaucoup, hein. Ah non, mais franchement, tu vois le piton que c'est vraiment. Hein. Ouais. Même, j'ai pas besoin, hein. Et où t'as la petite ferme où tu vends. Pas besoin à faire. On a un tas d'abdos, les meilleurs pour vous. Plus facile pour nous. On assez de manger, les pires qu'un piton des neiges, apparemment. Ah, ben voilà. Voilà. Ouais. Oui, Yannick, allez-y. Ouais, ben on me dit, ben justement, on a un peu. Bon, après, les vrais, hein, c'est psychologique. Pour moi, les psychologiques, parce que si on prend la tête avec ce que on mange et ce que on mange pas, l'agent, des fois, c'est l'effet de voir manger, ou bien d'avoir envie de manger, et les autres, sont déjà obèses, ou bien énormes, ou bien maigres. Moi, ma tu étais fin, dans ma famille, tu étais fin, oui. Et donc, il est difficile déjà une personne de maigrir, mais difficile aussi une personne de grossir, sachant que la personne lui-même a des gènes, peut-être n'a des gènes aussi, mais bien sûr. Mais moins dérange pas moi, hein. Non. Tant mieux pour moi. Et quand on m'était saisi par un coach, au début, non. À partir des salles d'entraînement, à partir de ceci, cela, il y a plus de masse musculaire que de masse graisseuse. Mais bon, après, il dérange pas mal. Mais bon, point, il n'y a pas comme lui. Et comme moi, ma femme aussi, des fois, il demande comme ça qu'elle a ce souci-là. Et elle dit comme ça que oui, elle a porté 3 enfants et elle voudrait bien maigrir. Il dit, la seule solution de maigrir, c'est d'arrêter de prendre la tête et de manger normalement, sachant que, on a déjà fait des régimes, il dit comme ça, t'as vraiment entendu, justement, on a dit ce plateau, qu'il y a des personnes qui font des carèmes, il fait des jeûnes, et tout comme ça. Mais si ça, tu jeûnes une journée, il faut pas manger, et 2 jours après, tu manges comme un bœuf, il sert à rien. Donc, voilà. Non, on est honnête, hein. Moi, c'est honnête, mais vous faites pas par 3-4 semaines, ouais. Moi-même, directement la personne, si vous êtes obèse, pensez-vous, et vous essayez de diminuer, légèrement, au fur et à mesure, vous voir que même enfant, du moment qu'on vit bien dans notre tête, on aura une bonne chance de vie. Les personnes à moi, des villes comme ça. Donc, ils me prennent la tête, certains en salle, ça passe ici, là-bas. Tu fais ça de travail, tu rentres de tu manges. Donc, on va faire comme ça. Alors, écoutez, on a beaucoup de choses à vous dire aussi, Yannick. Vous allez écouter les réponses de nos experts, donc, à la radio. Merci beaucoup, Yannick. Frieder Femteux. Alors, prendre plaisir, ça, c'est il l'a dit, hein, donc. Ah oui, c'est sûr. Il faut se fait plaisir. Se faire plaisir. Par contre, il a pris 3 kilos. Ce que je vais quand même lui dire, peut-être lui faire plaisir forcément. Bon, il a pris 3 kilos en 16 ans. Ouais. Hein, même en. C'est pas beaucoup 16, quand même, non 16, 38, ça lui fait exactement 22 ans. Voilà, sa vie d'adulte n'est pas terminée. Mais c'est pas beaucoup, 3 kilos. Non, attendez, c'est pas beaucoup. Deuxièmement, sa vie d'adulte n'est pas terminée. Ouais. En moyenne, dans la vie d'adulte, on prend en moyenne 10 kilos. Donc, lorsqu'il me dit qu'il mange comme il veut, je lui dis quand même, bon, c'est bien, hein, mais il faut faire attention parce que on sait que dans la vie d'un adulte, en moyenne, dans le mode de vie occidental, on prend 10 kilos. Bon, là, il a 38 ans, sa vie d'adulte est loin d'être terminée, en tout cas, je le souhaite pour lui. Et donc, il faut peut-être qu'il commence à faire un peu, à être vigilant sans, comme il a dit lui-même, tomber dans une espèce de psychose qui l'amènerait à ne plus prendre plaisir à manger. Et puis la deuxième chose qu'il dit et qui est quand même fondamentale, c'est que se réguler personnellement, s'imposer une discipline alimentaire, peut être aussi une solution à ceux qui effectivement se trouvent confrontés au problème de poids. Alors il disait, il se sert comme, il ressemble à un piton, donc son piton mangé, hein, donc du piton, il passe par exemple, le piton des neiges est 3069 mètres, il passe à un diméthyl qui fait 1800 mètres à peu près d'altitude. Nicolas Sioulon, donc coach sportif. Alors, par rapport au plaisir, je suis totalement d'accord. Il n'a pas parlé d'activité physique. Hein. Ouais. Ouais. Par rapport au plaisir, je suis totalement d'accord. Après, par rapport à l'alimentation, il faut savoir que si on mange beaucoup de riz, de sucre, de choses comme ça, c'est une alimentation extrêmement acidifiante pour le corps, avec toutes les conséquences qu'on peut avoir. Notamment, les experts peut-être me contrediront, mais c'est une alimentation acidifiante est un vecteur de la maladie du cancer. C'est-à-dire entre autres, environnement acide. Entre autres, notamment le syndrome X, hein, avec diabète, etc. Oui, bien sûr. Donc, entre autres, oui. Il n'est pas que question dans l'alimentation, il n'est pas que question du poids. C'est un médicament naturel à pas mal de maladies. Diabète, hypertension, cholestérol. Après, par rapport à l'activité physique, je déconseillerais à toute personne de ne pas en faire, surtout s'il est sédentaire, parce que ça peut amener des problèmes au niveau osseux à long terme, ostéoporose. Lié à la perte de masse musculaire, enfin, il peut y avoir pas mal de conséquences. Donc, sans sombrer dans l'extrême, trouver son équilibre, ce qui convient à chacun, mais garder un équilibre entre l'activité physique, la nutrition et la récupération, le stress. Samuel Kopoussami. Je dirais que Yannick, il est heureux. Il est heureux, il mange une assiette bien bombée, ce qui n'est pas mon cas. Et je fais très attention à ce que je mange et malgré ça, je prends du poids. Donc il a vraiment beaucoup de chance. Il y a le facteur génétique. Il a dit que toute sa famille était mince. Donc il a aussi un très bon métabolisme. Et il n'a pas beaucoup parlé, comme disait Nicolas, ni toi Claude, quel était son mode de vie. Il a 38 ans. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, quelle est son activité. D'accord. Donc c'est aussi important. Maintenant qu'il se sente bien dans sa tête et qu'il mange, qu'il est heureux, c'est fantastique. J'aimerais que tout le monde soit comme ça. Bon, très rapidement, il y a pas mal de questions, Gilles, donc de notre auditeur. En quoi consiste une détox? Est-ce que c'est un phénomène de mode ou alors est-ce que ça sert vraiment? Ça sert vraiment. C'est quoi une détox? Une détox, en fait, c'est simplement une pratique alimentaire qui va aider le corps à drainer, donc à quelque part à éliminer les toxines que l'on accumule au quotidien, soit à travers notre alimentation, parce que ce qu'il faut dire, c'est que lorsque on est appelé à s'alimenter, il y a toujours les déchets du métabolisme, d'accord? Dans le cas de la viande, par exemple, pour la citer, ça va être l'urée et l'acide urique. Et bien, ces déchets, en fait, à un moment donné, pour éviter qu'ils ne se stockent au-delà d'une limite qui pourrait être cause de certaines pathologies, il faut accepter de pratiquer de manière assez régulière une alimentation qui va aider le corps à éliminer ces toxines de manière à le régénérer. Ce n'est pas une question philosophique ou religieuse, c'est comme ça, c'est du métabolisme qui fait que nous sommes comme une voiture qui a besoin d'être vidangée de temps en temps, mais le corps aussi a besoin de temps en temps d'être nettoyé. Comment combattre le grignotage? C'est le message de notre auditrice Anne. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est déjà d'avoir la volonté, déjà de se dire que c'est un problème pour lequel je souhaite apporter une solution. La deuxième, c'est de se faire accompagner, parce que ce n'est pas du tout facile, au-delà de ce qu'on peut dire. Et la troisième, c'est d'adopter un rythme alimentaire qui, effectivement, soit fait une belle place au petit repas, donc fractionner son alimentation et introduire des collations structurées, régulières et de manière posée. Et à partir de là, effectivement, on peut avoir une solution. Mais ce n'est pas une mince affaire, parce qu'encore une fois, le grignotage est aujourd'hui l'erreur alimentaire la plus répandue et la plus nocive pour, on va dire, le poids et les problèmes de santé. Alors, vous avez une idée, Samuel Kopoussami, notamment pour la tendance boulimique? La tendance boulimique, oui. Je rejoins ce que disait Fridor. Il faut identifier, évaluer la cause d'anxiété, la cause de stress et intervenir sur cette cause pour éviter justement ce grignotage qui vient calmer l'agitation nerveuse, l'agitation du mental. Oui. Et ce qui va induire tout à fait le phénomène de boulimie et de prise de poids. Donc identifier, travailler avec un thérapeute, un sophrologue, faire du yoga, de la respiration et de l'exercice en plein air sont des pratiques saines pour équilibrer justement le corps et le mental. Puisque nous sommes aussi un corps mental et l'anxiété, maladie, je dirais, du 21e siècle, engendre énormément de stress, de dépression nerveuse. Et cette anxiété, cette angoisse, ben, on va se réfugier dans la nourriture, dans ces grignotages de barres chocolatées, de boissons sucrées. On va se jeter un peu dans ces... Exactement. Voilà. Dans ces aliments. Marie qui demande, ne serait-ce pas l'abus d'alcool qui donne le gros ventre à nos hommes? C'est pas sympa, Marie. Oui, c'est possible, puisque l'alcool, c'est des calories, hein. Je rappelle quand même qu'un gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. Donc, c'est vrai que, oui, si vous comparez ça aux glucides qui est 4 kilocalories, à la graisse qui est 9, protéines aussi 4. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'abus d'alcool, c'est d'abord des calories en trop. Et encore une fois, avec l'âge, le stockage est beaucoup plus facile au niveau abdominal. Donc, oui, si je prends beaucoup trop d'alcool, j'apporte des calories excessives qui vont se stocker de manière préférentielle au niveau du ventre. Et effectivement, ça peut être une cause d'avoir un ventre important. Nicolas Sioulon, coach sportif, on va terminer avec vous, s'il vous plaît. Comment motiver vraiment? Comment retrouver de la motivation? Comment aller prendre ses baskets, etc., son short, son t-shirt, et puis aller se dire que, allez, on va transpirer un peu? La première c'est de se définir un objectif. La première chose, c'est de définir un objectif. La deuxième chose, c'est de le planifier dans le temps. Planifier. Oui, c'est ça, le planifier. Ouais. Sous 3 mois, j'aimerais perdre 3 kilos. Le noter dans son agenda et créer des sous-objectifs par rapport à ça. Manger un peu moins salé, un peu moins gras, un peu moins sucré. Sucré, oui. Voilà. Et planifier dans son agenda et suivre ce rythme-là. À partir du moment où on planifie, qu'on a des objectifs au préalable, ça marche. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Alors, juste pour terminer, comment ça se fait que c'est en train d'exploser? Aujourd'hui, on parle de plus en plus de coach, de crossfit, etc., l'activité physique qui... Alors, par rapport au crossfit, c'est une activité qui est relativement ludique et où on est coaché. Donc, on est souvent en petit groupe et on est accompagné. Pourquoi les gens ont besoin d'être accompagnés? Bah, déjà, ils sont perdus dans une jungle d'informations par rapport au fait qu'il y a eu Internet. Bien sûr, oui. Ouais. Ils ont plus forcément le temps, le rythme est beaucoup plus effréné et ils ont besoin qu'on les motive, qu'on prenne les objectifs quasiment à leur place et qu'on les aide à tenir ces objectifs. Donc c'est vraiment purement une question de motivation que l'on perd et on a besoin de quelqu'un pour être accompagné. Messieurs, tous ceux qui sont passés à l'antenne, on va les suivre, un petit peu dans les jours qui viennent. S'il y a du résultat, vous reviendrez évidemment pour en parler sur la première. Je remercie Frieder Fant, nutritionniste, Samuel Kopoussami, thérapeute, expert en gestion du stress. Et puis Nicolas Sioulon. Nicolas Sioulon, coach sportif. Expert en gestion des règles, non. Non, parce que ça aurait été compliqué. Oh, ça va Frieder Fant. Merci. Bonne journée à l'écoute de la première, merci à vous. La réunion est magnifique. Le plus bel de tous les tropiques. Et ses vibrations les magiques, quoi. Toute Caprine est authentique. Yo, yo, me. 974, 21 ans 2012, bonne faire ou connaissance. Sans ou pour moi, tu as une nouvelle naissance. Mon attiré pas ou beauté, ou simplicité faire mon nez qui a pâté. Moi, Corinna, sans sentiment mélancolique, en bise à mettre le retour pour descendre Maurice. Depuis sa sous-réunion, travailler dans l'équipe, promets-moi pour épier une voix ou apprécier sa nature bagatelle. La ville est douce, la ville est belle. Appréciez-les tous les temps, ça m'irait depuis longtemps. La réunion est magnifique. Les plus belles de tous les tropiques. Ici vibration les magiques, quoi. Toute Caprine est authentique. Ça qu'il faut tous les années. Kaloupang fait peut-être à Gaden sol reggae. Faut des bois comment l'amour circule dans l'air. L'union fait la force emmène le succès. Peuple réuni, un c'est l'état d'esprit, peine à division. Tout problème est dans son solution, récif. Réunionnement qui fout un mot. Prononce à nos poumons, réconfort. Rayonner, zone pays marisoli. Dans tout sens du terme, vrai pas menti. Moi, bien pressé, zone bande type la créole. Aussi la façon bande frère rigole. Comment il est? Mais la Mauricien qui position. Correctement 974, toujours dans mon vision. Vision, mission, extraction. Babylone, rate mon passeport, laisse-moi aller. La Réunion, les magnifiques. Les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration, les magiques, quoi. Toute Kaffrine, les authentiques. Maurice, un joli pays, mais l'État complique tout. Des à la vie compliquée, je ne parle pas tiens, ça la sonne, donne-nous les pieds. Maurice malade, me dit-il malade, moi, mais me connais. 5-6 années guérit toute malade, ceux qui n'en les connaît, mon papa raconte salade. Plaisir pour soigner sa bonne frérot. Partage un peu, bonne trick nouveau. La Réunion, place idéale, pas douci mon cerveau. Casse une pause, loin en bas l'esprit bombo. 9-7-4 dans les quais négros, wow. Moi kiffe le nord jusqu'à le sud, l'est jusqu'à l'ouest. Réunion, ça son spécial pour eux. Dans tout ban sud tropical, fait où connaît. Ou même number one, yeah. La Réunion, les magnifiques. Les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration, les magiques, quoi. Toute Kaffrine, les authentiques. La Réunion, les magnifiques. Les plus belles de tous les tropiques. Ici, vibration, les magiques, quoi. Toute Kaffrine, les authentiques. Tell me what we're gonna do now. Oh, oh, oh. present. Can't worry about tomorrow, cause today is a blessing. The world in a state of aggression. I find calm in you, I see my mom in you. It's like you're feeling in your stomach when you want it so bad. If we keep keeping it fresh, it ain't gonna go bad. I've been through the valley of love, rode the shores of Cali just to find peace of mind. Looking to the sky, asking for at least a sign. Beautiful, you came at such a decent time. When we combine, it's like good food and wine. Flavorful, yet refined. You remind me of the divine. So easy, love can be lost and then found. Like Stevie, I just love having you around. You wearing a gown, I'm wearing a crown. Pound for pound, we the freshest couple in town. Sur la première, il est midi moins le quart. Dans un quart d'heure, le journal présenté par Antoine Garnier sur la première. Et juste après, votre C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Aujourd'hui, on s'intéresse aux chiens. Est-ce que c'est vraiment le meilleur ami de l'homme? La journée mondiale du chien a lieu demain, vendredi. Et puis à la veille de ce rendez-vous, eh bien, un focus sur l'éducation canine, sur la protection des chiens ou encore les soins à prodiguer. Vous pourrez réagir tout à l'heure de 12h15 à 12h45 au 02 62 99 2000. Côté réunionnais, réunionnaise, Salanila, encore une fois, l'Office du tourisme de Rodrigue lui donne à votre rendez-vous le 25 août, pont de mer Saint-Pierre, de 10h à 20h, le 26 août, 10h à 20h, au marché de Saint-Paul, et le 27, de 13h à 16h, la salle de fête du 12e kilomètre, le Tampon. Viens nombreux, découvrez notre culture et notre cuisine locale, animation assurée par Ban Rodrigue, y compris au Bergade. Première. À mes autres vivres, un sentiment qui grandit dans la vie. Tous les jours nous respirons. Faut pas n'inviter, mais les filles n'invitent. Ça sentiment pour la vie. Tous les jours, tous les cœurs perfectent. Ma petite franque, mon poids mourait, qui me léquait pour trop sur la moitié. Tout même mon destiné. Mon petit franque, mon poids mourait, qui me léquait pour trop sur la sentiment qui finit par place, te l'empreinte dans mon liqueur. Toi, fini, ton remplisse qui aime la vie. Mon liqueur, pas d'altini, sans l'amour qui fait grandir. Oh oui, l'amour, toi, visible, mais ton fais-moi tout qui sous. Sentiment qui finit par place, te l'empreinte dans mon liqueur. Toi, fini, ton remplisse qui aime la vie. Mon liqueur, pas d'altini. C'est l'amour qui fait grandir. Oh oui, l'amour. On pose ma question qui était ça l'amour. Qui rend nous fous tous les jours. Qui donne-nous l'espoir. Vive-nous la vie. Quand on gagne l'âme sœur, faudrait pas tout l'agler. Pas pour gagner dans la vie. Chérie, comme l'île sont l'importance. L'amour sincère, ma peine avant-guerre. Quand nous gagnons, nous paix, nous vie c'est sincère. Pour suivre nous plus qui aime la vie. Moi le cœur pas détini. C'est l'amour qui peut grandir. Oh oui l'amour doit briser. Mais ton père moi trouve qui sauce. Sentiment qui vit prend place. Ton empreinte dans mon cœur. Sans l'amour qui peut grandir. Oh oui l'amour. Dominique Barré, à l'instant sur la première. Il est midi moins 10, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Madame Prudhomme Marie-Lys, domicilié au numéro 23, rue des Muguets, à Petit-Saint-Pierre à Sainte-Anne. Décès survenu hier à l'âge de 55 ans. Le convoi sortira de la maison funéraire de Saint-Benoît aujourd'hui à 13h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Anne à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Anne. Décès de Monsieur Kessari Lucien. Monsieur Kessari Lucien, décès survenu hier à l'âge de 62 ans. Le convoi sortira de son domicile au 22 rue Théodore Doma à Saint-Pierre. Aujourd'hui, à 15h, la bénédiction aura lieu en l'église du Bon Pasteur à 16h30, l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Monsieur Pangrani André Joseph. Monsieur Pangrani André Joseph, décès survenu le 31 juillet à Moscou, à l'âge de 51 ans. L'inhumation de l'urne aussi se fera au cimetière du Bois Rouge et sera précédée d'une cérémonie d'adieu à 15h aujourd'hui à la chapelle du centre funéraire. Décès de Madame Moirot, née l'Allemand, Ruffine Adrienne. Madame Moirot, née l'Allemand, Ruffine Adrienne, décès survenu hier à l'âge de 97 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Prima. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima aujourd'hui. La bénédiction aura lieu à 16h en l'église de Saint-Jacques. L'inhumation sera suivie donc de l'inhumation au cimetière de Sainte-Clotilde. Décès de Madame Mangard, née Lagourde, Marie-Léona. Madame Mansard, née Lagourde, Marie-Léona. Décès survenu hier à Tanrouge à l'âge de 98 ans. Le convoi sortira au 40 chemin Tanrouge à Saint-Paul. Demain, vendredi, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Gilles-Léo, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Gilles-Léo. Décès de Madame Grondin, née Boisvilliers, Marie-Ange. Madame Grondin, née Boisvilliers, Marie-Ange, décès survenu hier à l'âge de 71 ans. Le convoi sortira de son domicile au 9 chemin Terfine. Il est à Corde à Sillaos aujourd'hui à 15h15. La bénédiction aura lieu en l'église de Sillaos à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Sillaos. Décès de Monsieur Aboukir Jean-Marie dit Nounout. Monsieur Aboukir Jean-Marie dit Nounout. Décès survenu hier à l'âge de 50 ans. Le convoi sortira de son domicile au 73 chemin, recherchant donc à la Ravine des Cabris. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction aura lieu en l'église de la Ravine des Cabris à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de la Ravine des Cabris. Décès de Madame Villepont. Josette Marie-Thérèse, décès survenu hier à l'âge de 71 ans. Le convoi sortira du centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie aujourd'hui à 15h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Marie à 16h. L'inhumation au cimetière de Sainte-Marie. Décès de Madame Veuve Adamar Nécaron. Madame Veuve Adamar Nécaron, Marie-Ruffine dit Aiglet. Le convoi sortira de chez sa fille, Madame Minette Marie-Yvette, au numéro 1, rue des Benjoins, au Guillaume-Saint-Paul. Aujourd'hui à 14h30, la bénédiction se fera en l'église du Saint-Amand du Guillaume à 15h. L'inhumation au cimetière du Guillaume. Décès de Monsieur Alex Wilson, fils de Alex Marius. Monsieur Alex Wilson, fils de Alex Marius. Décès survenu le 23 août au CHU de Terre-Sainte à Saint-Pierre à l'âge de 40 ans. Domicilié au 17 chemin Bramouton à Guillaume-Saint-Paul. La veillée se fait au 17 chemin Bramouton. Le convoi sortira au 17 chemin Bramouton aujourd'hui, suivi de la bénédiction religieuse en l'église de Guillaume-Saint-Paul à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière de Guillaume. Décès de Monsieur Harriman Jean-Claude. Monsieur Harriman Jean-Claude, décès survenu hier à l'âge de 47 ans. Le convoi sortira de son domicile au 115 chemin Fantaisie à Saint-André, aujourd'hui à 14h30, la bénédiction et la date des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Eugéra Marie-Thérèse Christine Neffolgoat. Eugéra Marie-Thérèse Christine Neffolgoat, décès survenu lundi dernier à l'âge de 74 ans. La veillée donc a lieu au domicile. Donc on va sortir du domicile, suivi de la bénédiction. Aujourd'hui à 14h30, suivi donc de l'inhumation au cimetière de Saint-François. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Les communiqués de ce jeudi 25 août sur Réunion Première, ça concerne Veolia Eau qui informe ses clients de la commune de Saint-Pierre qu'en raison des travaux sur le réseau, l'alimentation en eau est interrompue donc depuis 9h aujourd'hui sur les secteurs suivants: Saint-Pierre, Allée Saramito, chemin Bordier, chemin Canal Ligne Paradis. La remise en eau est prévue donc à partir de 16h, sauf incident évidemment. La collecte de sang prévue pour demain, vendredi 26 août, donc avec l'EFS, l'établissement français du sang, à la mairie de Saint-André. C'est de 8h à 13h et au centre commercial de Auchan à Saint-Louis. C'est de 12h30 à 17h. Separation of a thousand more. Ooh. Jen à l'instant sur la première. C'est dans l'actu dans un quart d'heure avec Philippe Dornier. Il sera question du chien. Est-ce que c'est vraiment le meilleur ami de l'homme? La journée mondiale du chien qui a lieu vendredi. Donc on en parlera de 12h15 à 12h45. Le standard de la première 02 62 99 2000. Bon appétit à tous, il est midi sur la première. Antoine Garnier pour le journal, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Les agences de l'ADOM ne désemplissent pas à quelques jours du départ de nombreux étudiants réunionnais pour la métropole. Certains n'ont toujours pas réussi à obtenir leur billet d'avion. Reportage dans l'agence de Saint-Denis ce matin. Pour ne pas trop pénaliser ses étudiants, la DOM va distribuer des billets, même si les dossiers ne sont pas encore bouclés. Et le président de la région, Didier Robert, saisit la balle au bon lors de ce quiproquo de rentrée pour critiquer une nouvelle fois le fonctionnement de l'organisme d'État. À Sainte-Rose, le restaurant de Lance des Cascades peut rester ouvert, du moins pour l'instant. L'Office national des forêts demandait sa fermeture immédiate, mais le tribunal administratif en a décidé autrement cette semaine. Soulagement donc pour la famille d'Edmond, qui gère l'établissement depuis les années 60. Nous entendrons Françoise Denmont dans ce journal également. Nous parlerons notamment de l'éclipse du 1er septembre et de la guerre que se livrent les vendeurs de lunettes de protection. Bienvenue sur Réunion Première. Depuis ce matin, les locaux de l'ADOM sont littéralement pris d'assaut par les étudiants et leurs parents. Pour beaucoup, c'est le dernier jour dont ils disposent afin de finaliser leur dossier, car ils doivent rejoindre la métropole en début de semaine prochaine et les bureaux de l'ADOM sont fermés le vendredi, demain donc. Les familles sont surtout venues vérifier que l'information parue dans les médias locaux selon laquelle l'organisme d'État délivrerait désormais les billets d'avion même lorsque le dossier est incomplet. Dans la longue file d'attente devant le guichet d'accueil à Saint-Denis, Raphaël Kahn a rencontré ce matin une future étudiante. On a fait une demande pour partir faire les études en métropole. On part lundi. On n'a toujours pas de réponse. Ça fait 2 mois qu'on monte et qu'on descend. Est-ce que dans votre dossier, toutes vos pièces sont bonnes? Alors normalement, elles sont bonnes, mais justement, ils n'ont pas retraité le dossier depuis déjà 2 ou 3 semaines qu'on a déposé les bonnes pièces. Ils n'ont toujours pas retraité et on ne sait pas. On est dans l'attente. Mais face à l'affluence, le délégué régional de la DOM, Alexandre Imhoff, a pris la décision de suspendre momentanément l'accueil du public. Il attendait en fait une confirmation venant de Paris, confirmation tombée dans la matinée. Entre 600 et 800 billets d'avion seront délivrés en urgence. Sans vérification du dossier, les offres d'achat sont parties cette nuit. Alors la décision porte sur